Donc, pour certains étudiants, c'est un cours à option et pour un autre, un cours obligatoire. Donc aujourd'hui, on m'a demandé, on me demandait de plus en plus, de faire un petit exposé de ce que sera le cours. Donc je vous donnerai cours pendant une demi-heure, je répondrai à vos questions. Sachant que la fois prochaine, et ce n'est pas la semaine prochaine parce que là, je suis pas à Bruxelles, je suis à l'étranger, ce sera donc la semaine du 15, hein, la semaine du 10-15. Là, je vous donne. Et là, je commencerai réellement mon cours et on repart sur certains aspects du cours de traducteur. Aujourd'hui, je vais plutôt essayer de répondre à vos questions, voir quel auditoire j'ai et essayer de vous donner toutes les informations pour les étudiants qui suivent le cours à option pour vous permettre de vous définir et choisir vos options. Donc, ce que je dis chaque fois que je donne ce cours, c'est un cours qui est, donc ça peut être un cours de voisin, est un cours qui est centré surtout sur la protection de l'œuvre. J'essaye de vous faire comprendre ce qu'est une œuvre et je passe beaucoup de temps sur cette notion d'œuvre parce que, en droit belge, la notion d'œuvre est fort étendue. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le champ de l'application du droit d'auteur, qui rend le droit d'auteur très populaire d'ailleurs, parce que tout ce qui nous environne et tout ce qui est. Il y a énormément d'éléments de notre vie tous les jours qui est traversé par le droit d'auteur. Donc il y a beaucoup de jurisprudence, il y a beaucoup de matière, il y a pas mal de choses qui vous sont proches, qui sont gouvernées par la loi sur le droit d'auteur. Et cette loi est en plus aujourd'hui parfois utilisée par des personnes dans un domaine où le législateur n'a même pas envisagé une protection par droit d'auteur, mais où des personnes tentent de s'approprier le monopole que prévoit la loi sur le droit d'auteur pour essayer d'en bénéficier. Donc il y a des tentatives, entre guillemets, d'usurpation de protection par droit d'auteur qui existent aussi, surtout dans l'univers de l'Internet, et à propos desquelles, si j'ai l'occasion, je vous en toucherai un mot. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont créatifs, font des créations. C'est peut-être ma première question. Est-ce qu'un certain nombre d'entre vous font du théâtre, font de la musique, peignent, dessinent, font de la photo, que sais-je? Oui ou non? Oui, dites-moi un peu. Levez un peu le doigt ceux qui pensent qu'ils créent. 1, 2... Oh, vous êtes nombreux, très bien. Alors, on va commencer par vous. Vous faites quoi? Peut-être ça m'intéresse. Est-ce que je peux changer un peu mon cours en fonction de vos centres d'intérêt? Il y a tellement de choses à raconter en droit d'auteur. J'ai plus de 20 ans de pratique, donc je peux puiser dans ma pratique et l'éclairer un peu autrement. Alors, on va un peu faire le tour de chacun, comme ça je vous connais un peu mieux. Photo et un peu d'écriture. Photo et un peu d'écriture. Bien. Les photos dans quel domaine? Bah, j'en fais plus beaucoup pour l'instant, mais j'ai fait un peu de tout et j'ai fait une école de photo avant de commencer mes écoles supérieures. Où ça? À l'INRACI. À l'INRACI, très bien. Et Canon ou Nikon? Nikon. Comme moi, rien de spécial. Alors qui m'a dit du coup? Musique. Musique, d'accord. Musique de quel art? Moi, je fais de la basse et du chant. D'accord. Et vous continuez? Ouais. Régulièrement, c'est une activité? Oui, ça va. Et ça fait longtemps que vous faites de la basse? 4 ans. 4 ans. À l'académie? Non, pas du tout. Comme ça, enfin, dans un groupe. Dans un orchestre? Non, dans un groupe. Dans un groupe, d'accord. Qui d'autre encore? Ça, on voit un petit peu. Donc, il y a musique, je note, il y a musique, il y a photo, écriture. Moi, je suis musicienne. Musicienne, d'accord. Et quand vous dites que vous êtes musicienne, vous êtes... Non, je suis diplômée au conservatoire. Donc, je suis au conservatoire, en musique classique, au piano. Oui. Et je travaille dans un réseau de musiciens. Donc, je suis dans les cours, je suis dans des ateliers de piano. D'accord. Et vous faites... Et vous êtes élève libre, alors, ici? Pardon? Au cours en droit d'auteur, vous êtes en élève libre ou bien... Non, je suis au cours de gestion culturelle. Ah, vous faites la licence en gestion culturelle en plus. C'est ça? D'accord, très bien. D'accord. Et vous donnez quoi? Et vous faites quoi comme instrument? Piano. Piano. Ah, c'est un bel instrument, le piano. Ah oui. Bien. Bon. Très bien. Mais ça, il est bien né déjà. Quelques créateurs, c'est sûr, c'est bien. Comme ça, ça va vous parler directement, bien sûr, les questions de droit d'auteur. Qui d'autre, alors? Oui. Mais moi, je ne crée pas vraiment, en fait, des amis en organisme de soirée de musique électronique. D'accord. Ça m'intéresse tout ce qui se passe avec les femmes. Pour l'acquisition des droits. Alors, on a une petite partie société d'auteur. Parfois, je ne la fais pas. Parce que j'ai plus le temps, j'ai passé trop de temps sur les œuvres, mais je vais essayer alors de la donner. C'est vrai que c'est intéressant, il y a beaucoup de jurisprudence. D'accord. Donc vous, c'est musique électronique. Moi, je ne suis pas très bonne en musique électronique, je vous, mais... mais bon, je serai un peu plus attentive. J'ai des enfants qui aiment ça, donc je vais un peu leur demander. C'est ce qu'on donne à Tomorrowland, non? C'est ça, hein, c'est la vitesse année, mais j'ai donné les places à la musique électronique, ok. Et donc vous, c'est la SABAM, c'est les sociétés de gestion, ok. Derrière, les petits créateurs en œuvre, non? Oui, vous, au fond? Non, pas. Okay. Et devant, là, j'ai eu beaucoup de petits doigts qu'il y avait aussi. Moi, je suis photographe. D'accord. Et donc en photographie. Ouais. C'est bien ça. Je fais en art et en photographie. Vous avez fait combien d'années J'ai un master de l'école d'art. Ah oui, bien sûr. Oui, bien, bien. Bien connu. Et vous êtes aussi en gestion culturelle? Oui. D'accord. Et vous comptez après travailler à Arles ou... Non. Forcément. C'est un peu petit. Ah, mais c'est bon. Hein. Ok, alors. Oui? Je fais de la céramique à l'Académie. À l'Académie de Boisfort? Non, à Étendue. À Étendue, d'accord. Donc, la céramique, c'est protégé par le droit d'auteur, évidemment. Hein, mais il n'y a pas tellement de concurrence en matière de céramique. Il y a quelques cas d'imitation céramique, je pense. Ça fait longtemps que vous en faites? Ma deuxième année. Ah oui, vous commencez. Vous êtes le bienvenu, monsieur Sillon. Trois d'auteurs, trois voisins. C'est bon. Sillon, je fais des dessins. Des arts, donc à l'Académie des arts de la ville de Bruxelles. De la ville de Bruxelles, ouais. D'accord. Et vous avez qui comme professeur, là? Julie. Pardon? Julie. D'accord. Je ne sais pas. Non. Et ça fait longtemps que vous êtes là? Non, je me suis inscrite pour cette année. Ah, mais c'est bien de conjuguer les deux. Un peu de... Et vous êtes aussi en gestion culturelle. Oui. D'accord. D'accord. Derrière, j'ai vu autre chose. J'ai une petite main qui se levait, non? Fini avec non? Un, deux, trois personnes là derrière? Vous, voilà. Ah, voilà, elle est là. Ça me semblait. Moi, je suis en gestion culturelle et j'ai fait un bachelier en publicité. D'accord, l'aspect publicitaire, c'est vrai. Alors là, je pourrais là, peut-être aborder un peu plus les œuvres publicitaires. Mm-hmm. Qui sont nécessairement protégées par droit d'auteur. Hein. Possible. Et vous, derrière? Création de robes de cérémonie, de chapeaux également, collection bébé. Donc, vous faites des costumes, en fait, c'est ça? Costumes également, oui. Costumes et robes de cérémonie. J'ai fini son âge. Je vais l'engager. Alors ça, c'est pas évident, ça. C'est une zone hybride. Bon, j'y reviendrai. Voilà, je crois que j'ai parcouru tout le monde. Et de ce côté-ci, oui. Moi, je viens des Beaux-Arts en France. Mm-hmm. Et on a beaucoup de choses aux Beaux-Arts. Vous l'avez fait plusieurs années? 4 ans. 4 ans. Mais quelque chose à rajouter sur la liste, si on peut toucher au cinéma. Mais le cinéma, normalement, oui, je peux le... Je le vois parfois un peu vite, c'est vrai. Il y a beaucoup à voir, en réalité. Hein. Et maintenant, vous êtes également en gestion culturelle? Oui, je change de... D'accord. Mais c'est bien, c'est complémentaire. Hein. Ça permet après de créer tout en sachant ordonner, structurer, c'est important. Sinon, j'avais vu encore des petites manifestations d'intérêt pour la création. Oui, je suis musicienne, en fait, violoniste, d'accord. En gestion culturelle. Et ça fait longtemps? Oui, j'ai fait le conservatoire. Aussi. conservatoire. Donc là, je pourrais passer un peu droit sur la musique. Hein. Je vois piano, conservatoire, deux personnes qui ont fait le conservatoire. Vous me connaissez, j'imagine, vous avez déjà eu l'occasion de vous parler. Non. Donc, et vous enseignez déjà aussi ou pas? Pas un petit peu. Un petit peu. Donc, violoniste, c'est un instrument exigeant, le violon aussi. Bien, et bien voilà, on a CSM, ça me fait plaisir. Parmi les étudiants de droit, est-ce qu'il doit y avoir des juristes ici? Oui, il y a. Qu'est-ce qu'il y a comme étudiant de droit? Voilà, quand même. Il n'y a personne qui fait. Les étudiants de droit sont souvent un peu plus timides à dévoiler leur créativité. Il n'y a personne qui fait un peu de. Qui a une passion pour. Là, je pense que vous allez me dire oui. Là, au fond, avec vos lunettes et votre mic. Non. Bon, il n'y a personne qui fait quelque chose en dehors, à part le droit, le sport, oui. Je fais du théâtre. Ah, c'est du théâtre, d'accord. Alors, pendant 2 ans. 12 ans, d'accord, très bien. Et vous faites ça où? Oh, c'est dans mon village, une petite troupe locale comme ça. Ah, mais c'est bien. Parce que ça, c'est l'aspect droit voisin du droit d'auteur. Et c'est vrai que je mets beaucoup de temps en général sur l'œuvre. J'ai tendance à aller très très vite pour les droits voisins, parce que les droits voisins, c'est une application des droits d'auteur, mais une application un tout petit peu, on va dire, c'est un peu au rabais, c'est un peu entre guillemets des droits d'auteur au rabais. Mais si vous avez fait du théâtre ou s'il y a d'autres étudiants qui sont intéressés par le théâtre, je peux passer un peu plus de temps sur les artistes cette année. Donc je change mon cours plus ou moins chaque année. Oui, ça vous intéresse, théâtre? D'accord. Bien. Alors, cette année, je vais passer moins de temps sur l'historique du droit d'auteur. Moi, j'aime bien l'histoire. Je trouve que l'histoire, ça vous permet de mieux comprendre dans quel cadre on s'insère. Mais je vais réduire alors la durée. Je ne garderai que les éléments vraiment qui sont en lien avec les éléments très contemporains. Enfin, je trouve que l'histoire est toujours contemporaine. Parce que quand on examine l'histoire du droit d'auteur, on voit bien qu'elle se répète. Et que même à l'ère de l'Internet, on connaît des mouvements similaires à ceux qu'on a pu parfois rencontrer au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle. On retrouve vraiment des grandes tendances du droit d'auteur contemporain. Une partie des racines de ce droit d'auteur contemporain existait déjà, si vous voulez, au siècle dernier. Donc j'aime bien montrer aux étudiants et faire des parallélismes. Rien n'est jamais... On croit que c'est neuf, que c'est nouveau, et en réalité, non. Les problématiques ou les conflits que l'on rencontre sont tout à fait, bien sûr, comme disent les juristes, mutatis mutandis, bien sûr, comparables ou similaires. En tout cas, il y a une belle similitude par rapport aux conflits que l'on a connus dans l'histoire. Alors, pour la présentation du cours, donc comme je vous le disais, je tiens compte beaucoup de la notion d'œuvre. J'aime bien tenir compte de ce qui intéresse davantage les étudiants, raison pour laquelle je vous remercie de m'avoir communiqué ce qui vous intéresse, qui intéressait davantage, les sujets qui vous tiennent plus à cœur. J'essaye également de passer du temps sur la notion d'auteur, parce qu'on peut créer, on peut donc apporter quelque chose de nouveau, ou moyennement nouveau, ou partiellement nouveau, ou une combinaison nouvelle d'œuvres préexistantes, ce qui est protégeable par le droit d'auteur également. Mais pour autant, on doit encore pouvoir se définir comme auteur et pouvoir s'affirmer comme auteur et être conscient, lorsqu'on est un auteur, des prérogatives dont on dispose et de celles dont on ne dispose pas. Celles que l'on peut perdre facilement et celles qui méritent un formalisme particulier dans le transfert et la négociation des droits avec les utilisateurs ou les producteurs-éditeurs. Donc, on verra ensemble la notion d'œuvre longuement. Ensuite, je passerai du temps sur la notion d'auteur et sur les prérogatives. Quand une fois qu'on sait qui est un auteur, comment est-ce qu'on peut se présenter auteur? Est-ce que c'est une personne ou est-ce que ça peut être une entreprise? Ça, c'est une question importante parce que vous pouvez être amené à devoir soit travailler pour une entreprise qui va peut-être vous demander de rédiger une série d'articles, de faire ses brochures, et qui souhaitera sans doute acquérir vos droits d'auteur ou se présenter même comme l'auteur de ses brochures. La question qui se pose est celle de savoir est-ce que c'est admissible. De même, vous pouvez avoir fait un film, travailler dans le cinéma, et ne pas... pas vouloir que l'on modifie certaines parties de ce que vous avez fait. Vous êtes réalisateur, vous êtes obligé, vu votre jeune âge, d'accepter certaines coupures dans ce qui a été réalisé, et pour autant, vous trouvez que le montage, etc., ne reflète pas le travail que vous avez accompli. Bon, une des questions qui peut se poser, c'est, dans les relations avec l'exploitant, comment peut-on réagir ? Quels sont les droits dont on dispose ? Et c'est la raison pour laquelle je passerai cette année peut-être un peu plus de temps sur le droit contractuel de l'auteur. Parce que la loi sur le droit d'auteur, aujourd'hui le code de droit économique, mais c'est quasi le même texte, il y a un peu de modifications, mais pas grand-chose, prévoit tout un corset, je dirais, de règles juridiques qui sont de nature à protéger les créateurs et en tout cas à établir, insérer un nouvel équilibre économique qui peut exister entre l'employeur ou l'entreprise et celui qui a créé. En principe, celui qui a créé a été évalué par le législateur comme la partie faible au contrat. Un petit peu comme dans les contrats de location, où le locataire apparaît par rapport au bailleur, la partie faible au contrat, et où le législateur a travaillé pour protéger davantage le locataire par rapport au propriétaire. En matière de droit d'auteur, la logique est partie sur... Elle est inspirée par cela. L'auteur est considéré comme la partie la plus faible au contrat. En même temps, le législateur a quand même fort rééquilibré aussi les droits en faveur de l'utilisateur, du producteur, de l'éditeur. On ne peut pas dire, donc on ne peut pas avoir une approche manichéenne du droit d'auteur. Il y a eu beaucoup de corrections qui ont été faites au projet, aux différents projets. La loi a connu un long chantier, plus de 10 ans de gestation. Je veux dire qu'on a eu une loi qui s'est maintenue pendant plus d'un siècle, dans cette loi. A pu fêter son centenaire, elle était très courte, simple à comprendre. La nouvelle loi, qui était celle de 1994, qui est aujourd'hui insérée dans le code de droit économique, elle est une loi qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus détaillée, et qui a intégré aussi le droit européen. Donc elle n'est pas seulement le fruit du travail parlementaire belge, elle intègre beaucoup de textes de droit européen, ce qui peut la rendre plus détaillée et plus complexe. Puisque, comme vous le savez, les textes de droit européen sont de plus en plus compliqués, puisqu'ils sont compromis entre un nombre important d'États, qu'il y a des demandes et des différenciations culturelles selon les États, qu'il faut faire plaisir un petit peu à tout le monde dans ce cénacle et arriver à concilier tout le monde pour avoir un texte, ce qui a pour résultat que parfois on a un texte très détaillé au niveau européen et parfois même incompréhensible. Il y a des normes qui ne sont pas abouties parce que c'est le résultat d'un compromis. Et au fond, la norme reste alors relativement difficile à appliquer. Ça arrive aussi dans nos matières culturelles. Mais de manière globale, je crois que le droit d'auteur peut être appréhendé encore à l'heure actuelle comme un véritable droit de monopole. Donc c'est le droit pour l'auteur de s'opposer à toute utilisation qui est faite de son œuvre. Donc on va travailler avec quelque chose de très rare dans une société libérale, dans une société capitaliste où on n'aime pas le monopole et où on a introduit la liberté de commerce et d'industrie. On va travailler avec un monopole, un rare monopole qui subsiste, comme on en a en propriété intellectuelle, en matière de brevets. Là aussi, on a un monopole pour protéger l'innovation. En matière de marque, un monopole beaucoup plus limité, d'obtention végétale ou de dessins et modèles, qui sont également des monopoles à durée limitée. Le droit d'auteur est long, parce que le monopole du droit d'auteur, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Et s'il y a plusieurs co-auteurs, vous allez avoir un monopole pendant 70 ans qui va perdurer jusqu'à la mort du dernier des co-auteurs survivants. Vous voyez, ça peut être excessivement long. À ça s'ajoute ce qu'on va appeler des prolongations pour des raisons de guerre, mais qui sont de moins en moins importantes parce que la plupart des personnes qui en bénéficiaient sont décédées aujourd'hui. Et ça existe encore. De temps en temps, il y a un petit cas. Donc on parle d'un long monopole. Et ce monopole n'a fait que s'allonger au fil du temps, notamment à la demande de l'État allemand, où les œuvres étaient également protégées pendant 70 ans après la mort de l'auteur. Nous connaissions un régime de 50 ans, qu'on qualifie de post-mortem auctoris, donc toute la durée de toute la vie de l'auteur, et puis 50 ans après sa mort. La durée, le monopole a été porté à 70 ans suite à l'harmonisation européenne et la demande de l'Allemagne de tenir compte de son délai de protection. Ce qui signifie que, avec un délai aussi important, on tient compte davantage de la volonté des héritiers, de la volonté des auteurs de pouvoir essayer d'associer leurs héritiers au bénéfice de leurs œuvres. Mais on tient compte aussi, surtout, de la demande des éditeurs, des producteurs, de pouvoir bénéficier d'un droit plus longtemps sur le plan commercial. C'est, à mon avis, c'est excessif, ces 70 ans, mais c'est le fruit d'un accord politique au niveau communautaire, au niveau européen. Quand je dis communautaire, quand je parle de communautaire, dans mon jargon à moi, c'est toujours européen. Parce que pour les étudiants francophones et les étudiants en droit, comme il y a là, on parle du communautaire dans un autre sens, jamais dans le cours de droit d'auteur, vous pensez à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à la communauté française, on parle vraiment de la matière étant fédérale, on parle de droit d'auteur, donc, et de droit européen, donc national ou européen. Donc ce sont les œuvres sont protégées longtemps, il y a des volontés de donner une longue protection, et vous l'avez peut-être entendu ou vu, parfois certaines fondations, pour prolonger même le droit d'auteur, alors même qu'il est expiré, vont essayer de trouver un subterfuge par le droit à la marque. Tintin, par exemple, les héritiers de Tintin essayent de prolonger une partie de la protection en déposant des marques et en renouvelant tous les 10 ans la marque. Il y a eu des réflexions sur l'abus ou le détournement de la propriété intellectuelle, puisque passé l'expiration de la protection, on n'a plus de protection en principe, l'œuvre entre dans le domaine public et donc elle est libre de droit, tout le monde peut l'exploiter, tout le monde peut l'utiliser. C'est pour ça que certains très beaux livrets musicaux peuvent être exploités parce que l'œuvre, la composition musicale est tombée dans le domaine public et elle peut être adaptée à ce moment-là sans que l'on doive payer des droits d'auteur. Alors dans le domaine, c'est vrai, culturel ou dans le domaine de la bande dessinée ou de personnages très, très connus, à l'expiration de la durée de la protection par droit d'auteur, lorsque des fondations ont été constituées, lorsqu'il y a un véritable business, si je puis dire, du droit d'auteur, il y a la volonté de prolonger ça par d'autres droits de monopole, qu'est par exemple le droit à la marque. Ça, je ne verrai pas avec vous. Hein, ces matières, la matière du droit à la marque ou du droit de brevet, avant j'enseignais cette matière, mais j'ai cédé mon cours à une de mes collègues, parce que je souhaitais donner vraiment consacrer mon temps désormais et davantage au droit d'auteur et au droit voisin du droit d'auteur. Et donc laisser l'autre partie qui est intéressante, mais qui a trait plutôt à la propriété industrielle, qui complète ce qu'on va appeler qui complète le droit d'auteur et qui va donc compléter le triptyque de ce qu'on va appeler les droits intellectuels. Vous avez une catégorie en droit, je sais que les juristes aiment bien faire des catégories, les juristes qui catégorisent tout. Et une fois qu'il a catégorisé, il réfléchit, il regarde quelles sont les règles, comment les règles vont s'appliquer, parce que c'est rassurant d'avoir des catégories. Une fois qu'on a des catégories, on peut décider quelles sont les règles qui sont applicables et quelles sont les exceptions. C'est un peu mathématique, en fait, le droit. Et donc, en tout cas, quand on le voit comme ça. Et dans les catégories, on a rassemblé les droits de monopole, et ces droits de monopole, on les a qualifiés de droits intellectuels. Tous les droits qui ont trait d'une manière ou d'une autre à la protection de la création. Là, vous avez le droit d'auteur et les brevets, innovation pour les brevets, création pour le droit d'auteur, et le droit à la marque qui n'est pas de la création, mais qui est la volonté de donner un instrument de monopole pour lutter contre la concurrence, en fait. Donc, vous avez également les dessins et modèles, qui est l'art appliqué à l'industrie, que l'on enseigne moins dans notre université, parce que ces œuvres-là sont également protégées aussi par le droit d'auteur, et que la protection par droit d'auteur est plus efficace pour les œuvres du design que la protection, à mon sens, spécifique qu'on a créée et instituée. Et donc, en pratique, c'est souvent le droit d'auteur qui est appliqué. Donc, voilà pour l'introduction, donc notion d'œuvre, auteur, durée. Nouvelles technologies, je verrai un petit peu les nouvelles technologies du droit d'auteur, pas beaucoup. On verra les œuvres sur l'Internet, les aspects exception, droit, notamment à travers les affaires Google, que j'ai plaidé. Donc, en général, j'en parle un petit peu. Je verrai, c'est vrai, les droits voisins du droit d'auteur. Je survole cette matière-là en général, mais j'essaierai de m'arrêter alors, puisque certaines personnes ont fait du théâtre, aux interprètes, aux artistes interprètes et leurs droits. De même, lorsqu'on verra le cinéma, puisque certains ont envie de parler du cinéma, je verrai un petit peu les artistes interprètes aussi de cinéma. Quels sont leurs droits, quel est le rapport avec le producteur de film. Pour les procédures, pour la gestion des droits d'auteur, mais comme vous le souhaitez aussi, pour ceux qui sont face à la SABAM et qui font de la musique électronique, je veillerai donc à donner quelques éléments sur les sociétés de gestion collective, dire un peu comment ça fonctionne. C'est important en pratique, la gestion collective des droits. Alors justement, les artistes interprètes ont également leur société de gestion collective, donc ce sera l'occasion de parler un petit peu de Playwright, la société Playwright qui a succédé à la société Redex, puisque vous avez des sociétés de gestion qui gèrent les droits des auteurs, notamment surtout dans le domaine de la musique, et puis vous avez les sociétés qui gèrent les droits des artistes interprètes et exécutants. Je m'attarderai moins sur la procédure, si ça vous convient. Donc je verrai moins les questions de sanctions et les questions de procédure. Parce que vous avez une majorité des étudiants qui sont en sciences culturelles, et donc c'est peut-être ce qui vous intéresse un petit peu moins, sauf peut-être pour les étudiants en droit, où là je renvoie alors à des lectures. Là, je vous donne des lectures à faire également. Pour l'aspect pratique maintenant, on travaille, moi je parle souvent de la loi sur le droit d'auteur, plutôt que de dire le code de droit économique, parce que je trouve que le code de droit économique étant extrêmement large, ça peut recouvrir différentes matières, mais toute la loi aujourd'hui est insérée dans le code de droit économique, dans plusieurs livres. Alors il existe des tableaux de concordance qui se trouvent sur Internet. Et donc parfois, si je cite, c'est plus facile, j'essaierai de citer les articles du code de droit économique directement. Mais s'il m'arrive de citer encore les textes de la loi sur le droit d'auteur, ce que je trouve plus facile à mémoriser que les chiffres du code de droit économique qui sont en chiffres romains, vous trouvez les tableaux de concordance, les articles n'ont quasi pas changé. Il y a quelques aspects qui ont changé, mais très peu de choses. Bon, j'ai entendu aussi qu'on va vers une refonte du code de droit économique, donc c'est un peu pour refaciliter, parce que le code du droit économique n'a pas facilité la compréhension et l'application de la loi. Donc aujourd'hui, il y a une demande des magistrats de refondre le code et de revenir au texte de loi antérieur. Je ne sais pas si ce sera fait. Donc tout ce travail ne prend pas grand-chose. Donc, bon, moi, je navigue entre les deux. Une fois le code, une fois la loi, mais voilà, vous y retrouverez. Hein. S'il y a une incompréhension, vous me le direz. Donc le code est le cours est un cours ex cathedra. Alors ce que je vous donne à la fin de l'année, cette année je vous donne donc une table des matières avec la matière couverte, mais je ne fais pas de fascicule de cours parce que je termine un code des médias depuis 2-3 ans. Je dis que je termine chaque fois, mais je suis toujours en train de le faire. Et donc c'est plutôt cet ouvrage de référence que j'utilise. Je n'ai pas encore véritablement rédigé de fascicule de cours. Qui me permet de changer la matière un peu chaque année et de donner selon l'auditoire la matière que j'aime. Enfin, que j'aime, que l'auditoire apprécie. J'ai eu une année où j'avais beaucoup d'étudiants qui étaient des développeurs de logiciels. Ils avaient fait une école d'informatique, j'en avais une vingtaine. Donc là, j'ai pris du temps à travailler sur les logiciels. Bon, cette année, je ne compte pas en parler, quasi pas. Je ne pense pas que je le cite, mais je passerai assez vite dessus. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non ? Alors, on me pose toujours la question de l'examen. Bon, je vais loin, on commence, mais je le dis quand même. L'examen se fera au mois de janvier. Donc, de manière générale, vous pouvez avoir tous les codes que vous souhaitez, tous les textes de loi que vous souhaitez. Il aborde des aspects traditionnel du cours, des questions de théorie, des questions théoriques, mais il aborde aussi des cas. Donc moi j'illustre mon cours par beaucoup d'exemples, je vous donne des cas concrets, et donc j'imagine quelques cas que je vous soumets, et c'est comme ça que je peux tester votre compréhension de la matière, plus en profondeur que de la simple restitution. Il est, pour les étudiants de gestion culturelle et pour les étudiants de droit, je donne les mêmes questions, mais je ne donne pas la même, le même papier. C'est-à-dire que j'aime bien distinguer les réponses des étudiants de droit des étudiants de gestion culturelle. Donc je mets par exemple les feuilles roses pour la gestion culturelle et bleues ou blanches pour le droit. Mais en pratique, les résultats des étudiants, ça c'est vraiment paradoxal, de gestion culturelle, les résultats sont souvent supérieurs aux étudiants en droit. Cette année, les étudiants en droit font un effort, parce que c'est curieux, alors qu'il n'y a pas nécessairement une formation de juriste, la précision des étudiants de gestion culturelle est réelle. Je ne sais pas à quoi ça tient. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, le cours se donne toutes les semaines, en principe, sauf la semaine prochaine. Et je crois qu'on a chaque fois rendez-vous ici. Je crois que c'est chaque fois là. Et je donne cours en général, avec votre accord, je donne cours pendant 1h30 sans m'arrêter. Je commence à 2h et j'arrête normalement à 3h30. Ça va ? Pas de questions ? Oui ? Oui, d'avoir un micro. Oui, oui, je peux faire ça. Vous m'entendez pas bien, au fond. Pas la fin des phrases. Pas la fin des phrases. Oui, c'est vrai que j'ai tendance à... Ça va, je peux faire ça, il faudrait que je le trouve. Je ne sais pas, il faut que je voie avec le secrétariat, là. D'accord, parfait, très bien. C'est vrai qu'avec les années, on perd sa voix. Merci, alors, je vous souhaite une belle après-midi. Et à dans 15 jours.